C'est comme justement les soldats américains, ce qu'ont fait à My Life. Ils pouvaient bien après revenir aux États-Unis puis être sur l'héroïne. Gang d'innocents. Dites-vous, c'est pas drôle d'être cave de même. C'est des astis de crétins. Pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi l'affaire, là? Tirer des femmes à qui tiennent leur bébé, tirer la femme à travers son bébé, puis. T'es aussi bête de te tirer une balle dans la tête avant de faire une affaire de Parce même. que dans le fond, sans pour autant cautionner leur crime, ces gens-là, ils se sont fait laver le cerveau avec de la Franchement, David, propagande, tu vas puis. me faire à croire qu'ils n'ont pas de notion du bien et du mal. Puis ils se rendaient plus compte que c'était mal parce qu'ils se sont fait laver le cerveau. Ils n'en ont jamais eu de cerveau. Ils n'en ont jamais eu. Voyons donc, quelqu'un qui fait ça, il n'y en a pas de cerveau. Il peut, Ben, tu peux même pas le laver. Ils se sont fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas d'intelligence réelle, mais ils ont été programmés pour rendre acceptables certaines choses qu'ils ne le sont pas. T'sais, Ça, tu peux pas rendre acceptable. Dans le sens que ils ont accepté, c'est pas pareil. Puis là, viens pas me faire croire qu'il n'y a pas, à quelque part, une espèce de libre arbitre, parce que le libre arbitre, c'est une illusion, puis la pensée vient d'ailleurs. Ça, il y a entre autres des illusions qu'on se fait pour pas assumer. C'est comme un porc qui monte ses sabots, puis qui dit, regarde, je suis cacheur. Non. je comprends ce que tu veux dire, mais sinon, il était sans doute au niveau occulte, l'emprise d'égrégores, d'effets de groupe, d'entraînement, qui fait en sorte Même à que. ça, David, ça n'a pas d'allure. Je comprends pas. Ouais, moi, en tout cas, je dois être fou. Je suis pas normal. Mon père avait raison. Je suis pas normal. Non, mais en fait, Je suis j'essaie pas de. C'est normal. parce que, dans le fond, C'est vrai. Comment que j'arrive même pas à comprendre que c'est possible? C'est parce que, dans le fond, Comment le. qu'ils font? Ça veut dire que c'est des lâches, c'est même pas du monde. Ben, c'est parce que, attends une minute, c'est parce que si on prend un groupe, OK, tu as le quotient intellectuel qui diminue. Prenons par exemple une foule, un spectacle rock, t'envoies des ballons puis ils vont jouer à ça comme des enfants de 4 ans. Ben oui, mais il y a une différence, Chris, entre promener des ballons de plage puis écarteler des bébés devant leurs parents. C'est sûr, mais tu as des gens qui C'est quoi sont. ça, David? T'as des gens qui Hey, ils sont. ont retrouvé en Oui. Irak, là, les jeunes, ils s'étaient fait des petits-enfants, ils s'étaient fait passer des mèches de drill des genoux. C'est les Américains qui ont fait ça. Comment est-ce que tu peux faire une affaire de même? C'est des démons incarnés, c'est pas du monde. Et quand est-ce qu'on va comprendre que des fois, t'as quelqu'un devant toi, c'est debout, ça a deux yeux de même, ça a une bouche qui parle, ça a l'air d'un humain, mais ça n'est pas un. Ben, C'est j'allais pas du en venir monde. avec le concept Christ. de possession. Ben, c'est C'est-à-dire moi que. qui s'en viens posséder, esti, tellement ça Je m'enrage. sais, je te vois monter en intensité. Ben là, tabarnak, esti, tu le vois pas que c'est pas humain, c'est pas du monde. Du monde qui font des affaires de même, on peut pas leur trouver des excuses. Ah, oh, ben, le libre arbitre n'existe pas. Ben. Ils sont pas Mais c'est parce conscients. que je pourrais te. Hein? Ils sont pas conscients. Ils prennent du plaisir, puis ils en jouissent. Mais c'est pas de. Non, c'est parce qu'ils se rendent pas compte, puis si le libre arbitre n'existe pas, la pensée vient d'ailleurs. Donc, sont. Hey! Là, ça, c'est dans le fond, là, ça, c'en est, c'est diabolique. Ça en est, ça, un esprit diabolique. Avoir des idées de même puis rationaliser des actes de même, c'est diabolique. C'est à être possédé par un esprit diabolique à un moment donné. Mais c'est parce que je t'explique, quand il y a des crimes comme ça, il y a plusieurs facteurs. Si tu prendrais Tu me convaincras pas de rien, David. Avec des affaires de même, c'est pas vrai que le monde, ils ont pas de notion si c'est bien ou si c'est pas bien, puis tu peux les manipuler pour. Non, quelque part, il y a un consentement. Quelque part, ils ont fait le choix. Puis ils sont coupables pour l'éternité, point. Puis moi, il n'y a rien que tu peux dire pour réhabiliter du monde qui ont commis des actes comme C'est pas ça. nécessairement les réhabilités, c'est qu'il faut prendre quand même en considération du contexte dans lequel ça s'inscrit. C'est-à-dire que si tu prends une gang de jeunes hommes, il y en a qui ont une libido dans le piton, puis David, comment tu peux avoir la libido dans le piton pour des actes comme ça? Ça veut dire que t'es tordu d'avance. Je dis pas nécessairement ça excite sexuellement, mais je te parle de jeunes. Non, mais gars, moi j'en ai vu des cas, Chris. Le gars, là, faut que le cadavre vieille pas de tête pour qu'il bande. Explique-moi ça, toi. Il y a toujours une logique, c'est comme le fétichisme puis le soulier. Il y a une raison pour laquelle ça l'excite M'a-t-elle d'avoir un fauteuil expliqué, moi, la pointu. logique, tabarnak? C'est de la possession, genre, il est là, le bas astral, puis les forces sataniques, puis tout, qu'est-ce que tu voudras? C'est le mal, puis c'est tout. Puis ça se complaît dans l'avilissement, puis dans l'humiliation, puis dans la souffrance. Mais je t'explique, c'est que là, c'est parce que tu Hey, vois. là, arrête de me dire que tu m'expliques, parce que jamais ça va marcher. C'est le genre d'affaire, ce Christ, jamais je vais accepter ça. Il n'y a personne qui va me rationaliser des affaires de même. Avec toutes les affaires que j'ai sues qui se passent sur cette planète-là, il n'y a personne qui va me rendre ça acceptable ou explicable. Il y Je a une dis pas seule que c'est explication. acceptable. C'est mal, point. C'est inacceptable, c'est clair. Sauf que le point, il y a un contexte de compréhension. Comme par exemple, J'arrive pas à comprendre, puis tu me feras pas comprendre non, des non, mais affaires de je même, puis j'aurai t'explique. jamais d'empathie pour du monde de Non, même. non, mais je te donne un exemple. Parce qu'il faudrait que je te montre, il y a un documentaire sur Netflix par rapport à des crimes qu'ont commis les nazis. Puis ils Ah tuaient oui, des c'est femmes. inventé ou Non, réel? non, c'était des réels, des cas réels. C'était Ok, des. demande-tu des... Comme quoi? OK, il expliquait que, par exemple, en Europe de l'Est, OK, il allait tuer des femmes puis des enfants. Puis la façon de rationaliser, par exemple, le fait qu'il allait tuer l'enfant, par exemple, l'officier nazi va tuer, par exemple, la mère. Puis là, il va dire, ben là, si l'enfant a plus sa mère pour s'occuper de lui, l'enfant, il va souffrir. Donc, dans le tuant, ça vient rationaliser, justifier la mort de l'enfant, puis de le rendre Te rends-tu acceptable à compte à ses quel yeux. point c'est stupide? Mais ça a Moi, si je marché. vois une affaire de même, même si je sais que je vais mourir tout de suite, après, je prends mon gun, puis c'est l'officier qui mange une balle dans la tête, t'as-tu compris? Immédiatement! Si je vois quelqu'un tuer une mère devant son enfant, même si c'est mon supérieur hiérarchique, je le tue. À la moindre occasion. Même si moi, je me fais tuer tout de Mais suite le après. problème, c'est que ça a fonctionné. C'est un concept-là Mais simple. avec moi, ça marchera pas! Ça marchera pas. Jamais je vais accepter de vivre avec des affaires de même sans conscience, en ayant été complice de choses comme ça. Jamais. Jamais je vais accepter ça. Mais c'est parce C'est que. impossible pour moi, puis j'arrive même pas à comprendre. C'est ça, mais c'est parce Je que me c'est un. mettrais pendant un instant à la place, puis oui, je peux finir par comprendre si je me mets dans la mentalité d'un esti de singe. C'est ça, mais c'est parce que c'est un entraînement progressif, dans le sens que. Ben oui, c'est progressif. Que... C'est parce qu'il y a tout un. Regarde, là. On le sait qu'il y a un esprit de corruption puis que la corruption, c'est progressif. Mais Chris, il y a un consentement quelque part. Mais c'est parce que c'est subtil, comment dire, c'est un petit C'est peu. subtil. Il n'y a rien de subtil là-dedans, c'est le contraire. Non, je sais, mais c'est parce qu'avant de venir là, il y a tout un cheminement que la personne a vécu qui l'a amené vers ça. Arrête là. C'est Ça un marche enlisement pas. progressif. Ben oui, c'est ça. Comme un drogué, il commence. Il prend une petite bière, puis tu sais, oh, c'est parce que c'est progressif. Hey, Chris. Il n'y a aucune excuse. D'aucune façon, puis il n'y a rien à comprendre. Le mal, c'est le mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelque chose, c'est mal. Il y a des affaires, c'est mal. Puis on n'est pas pour commencer à dire, ben oui, mais c'est parce que tu sais, non, non. Non, non, non. Jamais, jamais, jamais, je vais accepter des affaires de même, dans le sens que. Non, non, là, ça en est de la rationalisation, ça. Un être humain qui fait des affaires de même, il a tout le temps eu une faille à la base. Ça a tout le temps été là. Sinon, il n'aurait pas eu de progression. C'est impossible. Regarde, là, il y a une fille, là, qui est une petite fille, a été torturée d'une façon que. Puis Chris, la police, puis même. Ils savaient c'était qui. Puis ils ont accusé deux innocents, puis même l'expert pour les morsures, là, les traces de dents, il a menti à la cour. Puis ce gars-là est devenu maire d'une ville. Pour protéger un hostie de vidange qui a utilisé une petite enfant, puis qui l'après a été tué, a été jeté dans un banc de neige. Puis pour protéger ce gars-là, il y a un paquet de monde qui ont tout comploté pour accuser deux gars à sa place, que c'était des innocents, c'était pas eux autres. Il n'y a rien qui excuse ça. Rien. Il n'y a rien qui excuse ça. Puis même si ma vie était en danger, moi, je l'aurais dénoncé, j'aurais dit c'était qui. Je le savoir, je l'aurais dit. Je m'en fous du reste. Je m'en fous de mourir. Je m'en fous que toute ma famille soit exterminée. Je m'en fous. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a personne qui allume, puis tout, ça va être de même pour toujours. Ça va aller tout le temps. Il n'y aura jamais. Ça va rester ce que c'est, cette planète-là. Pourquoi? Parce que dans le fond, le monde, Chris, justement, c'est eux autres qui sont programmés. Puis là, je te dis, c'est justement à cause d'une absence de programme quelque part que je suis de même. Puis là, tout de suite, ouais, mais c'est progressif, le gars, c'est ça, de la Non, non, programmation. mais c'est parce que je t'explique, c'est comme l'endoctrinement sectaire. Tu sais, on Ben se oui, mais demande. ça marche pas avec moi, l'endoctrinement sectaire. Je sais, ça marche pas avec toi, mais il y a peut-être d'autres choses qui marchent, qui te manipulent, mais que tu le vois pas parce qu'on a souvent Ben, des c'est sûr, œillères. ça, je. Mais j'ai pas encore éventré de femme enceinte. J'ai pas, tu sais. Ça se compare-tu, là? Non, non, je suis d'accord avec toi, alors. Mais c'est parce que. Dans le fond, dans les dernières minutes, je me permettais de faire un petit peu l'avocat du diable pour te T'es présenter une plus autre qu'à l'avocat du perspective. Christ, tu te permettais quasiment d'être le diable qui se justifie. Dans le sens qu'il y a des affaires, là. On aura beau virer ça de tous les bords, on aura beau essayer de. Il y a des affaires que ça peut juste s'expliquer par le fait qu'il y a du monde, que c'est pas du monde. Ça marche de bout, là, ça a deux yeux, ça parle, là, bah. Ça simule l'humanité. Ça ressemble à un humain, ça imite l'humain, mais c'est pas des humains. C'est pas du monde. C'est d'autres choses. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas du monde. Puis c'est eux autres qui se font passer pour des sauveurs, des saints. Ils sont super. Ils ont les belles dents blanches, et des vendeurs extraordinaires. Mais Chris, c'est pas du monde. C'est pas des humains. C'est pas des humains. Dans le sens que qu'est-ce qui fait un être humain? C'est quoi un humain? C'est quoi la conscience? C'est quoi qui fait que on peut dire ça, c'est un humain? C'est des affaires, justement, que. C'est impossible de te faire faire des affaires anti-humaines. C'est ça qui va définir un vrai humain. Tu ne peux pas le rendre anti-humain. Moi, je peux être anti-humain de ceux qui se font passer pour des humains et qui n'en sont pas. Mais à mes yeux, un humain, ce n'est pas une affaire de C'est ça, corps mais eux autres, ils vont biologique. interpréter ça que tu C'est une viens de faire une affaire de conscience. rationalisation. Ben non, mais David, tu vas me faire. C'est quoi qui fait un humain? C'est une très bonne question philosophique sur laquelle on pourrait faire un C'est enregistrement pendant. même pas de question philosophique. C'est même. Non, non, Je mais je m'accroche. comprends qu'on peut le prendre Je sur suis le plan fatigué, vibratoire. David, là, puis je l'ai OK. dit tantôt, là. Puis même, je peux pas supposer. Je suis posé prendre un break, puis tu sais, j'ai d'autres affaires à. Ça fait 4 heures, là, puis j'ai mangé qu'un repas. Je te l'ai dit aussi tantôt. Parce que là, je vais me choquer, là. C'est le genre d'affaires, hostie, que je viens malin. Parce que. Il y a des affaires, jamais, jamais, jamais qu'on peut pas rationaliser ça. Oui, il y a des forces anti-hommes, oui, il y a des forces anti-vie. Ben, je suis d'accord avec toi, c'est une question Tu vibratoire. sais, il y a des affaires que, même si, moi, il y a des affaires, c'est pas une affaire d'être suicidaire ou d'être autodestructeur ou de vouloir se sacrifier pour les autres, mais il y a des choses. Que, tu sais, quand tu le sais qu'il n'y a pas juste ici-bas, là, quand tu le sais, il n'y a personne qui peut te faire faire des affaires de même, sachant que tu vas amener ça avec toi parce que c'est enregistré par l'âme. Tu peux. Voyons que c'est ça, c'en est ça. Je veux dire, comment tu veux faire faire des atrocités à quelqu'un de conscient? Non, je comprends ce que tu veux dire. Il en faut pas. Ça sera pas Ben là, dans sa il va nature. préférer se laisser mourir. C'est genre, tu vas dire, OK, viole le bébé ou je te tire. Ben, tu tires. Tu me feras pas faire ça, point. De toute façon, je ne suis pas capable. Fait que tire. Qu'est-ce que je te dise? C'est des. Tu sais, à un moment donné, là, moi, là, il n'y a aucune excuse. Il y a des affaires, il n'y a aucune excuse, aucune rationalisation possible. Il y a certaines affaires que tu peux pas justifier ça d'aucune façon. La personne qui fait ça, c'est pas juste qu'elle s'est laissée signer. Quelque part, elle est consentante. Ça veut dire que elle met la, elle est tellement dans l'orgueil, puis elle est tellement dans l'animalité, qu'elle met la valeur de sa propre petite vie au-dessus de la valeur de toute l'humanité. Au-dessus de l'innocence, au-dessus de tout, là. Ouais, Ça, ben... c'est coupable pour l'éternité, David. Il y a des âmes qui vont être détruites parce qu'ils serviront à rien, parce qu'ils vont avoir enregistré des choses tellement horribles que ça nuirait à tout l'univers des enregistrés puis des garder comme mémoire. Ces affaires-là, il va falloir que ce soit. Il est là le grand reset, le vrai, Ça veut dire à qu'on un va moment donné. effacer des disques durs d'armes défaillantes, là. Bernard de Montréal en parlait, là. T'sais, si tu es aveugle au point de vouloir préserver ta vie ici-bas au point de perdre l'éternité, il y a un problème. Mais Puis encore ça, faut-il que elle la ne se personne mêle pas soit des claques. consciente des responsabilités occultes derrière ses actions, tu sais. Pas... À un moment donné, tu sais, il y a des âmes qui vont être détruites, on le sait. Parce que pourquoi les garder? Ils servent à rien, ils nuisent. Dans le fond, l'expérimental, la planète expérimentale est là pour trier ça. Fait que, tu sais, on est quelqu'un qui est le moindre, même, t'as même pas besoin de savoir ça. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Puis tu peux pas rendre mauvais quelqu'un qui est réellement quelqu'un de bien. Parce que souvent, le monde, OK, toi, tu kidnappais des adolescentes, puis tu les torturais pendant des heures, puis tout. Ouais, mais c'est pas, j'ai eu une enfance triste. Mon père me battait, puis ma mère buvait. Oh! Il y en a qui ont vécu 100 fois pire, puis ils font pas ça. Oh, c'est lié à ma génétique. J'ai des problèmes au cerveau. Oh oui, ben on va parler de circonstances aggravantes Atténuant. ou atténuantes, tout C'est. dépendant. Oui, à mes yeux, il y a juste les faits. Puis il y a des affaires que. Y a... Tu sais, c'est comme Patricia Hearst, OK, elle a été kidnappée puis brainwashée, puis elle est devenue une terroriste à cause d'un fou. Mais ils n'ont pas fait commettre d'atrocité. Je pense que ça n'aurait pas marché parce que c'était pas réellement une mauvaise personne. Mais ils ont fait faire des vols de banque. Mais il y a des affaires qu'ils n'auraient pas faites. T'sais, ça aurait brisé le conditionnement. Quand que quelque chose de. Tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose de réellement diabolique, là, ben, à un moment donné, s'il y a un petit fond de. Tu vas briser le conditionnement, puis la personne va réveiller d'un coup. Puis là, tu viens de faire toute la progression, tout ça, oublie ça, tu viens de réveiller le réel en elle. Puis elle va allumer, elle dit, qu'est-ce que je fais là? Je peux pas. Je suis pas capable. Tuez-moi. Tu sais, genre, fais ça ou on te tue. Ben, vas-y. J'aime mieux mourir que de faire ça. Parce que je pourrais plus vivre avec ça. Sur la conscience, ben, j'ai une conscience. Puis tu viens de la réveiller, là, avec tes niaiseries. Tu sais, genre, il y en a que. En tout cas, moi, à un moment donné, tu sais, je veux dire, j'ai pas tout le temps été parfait dans ma vie, j'ai pas rien fait des bonnes affaires. Mais il y a des affaires que il y a du monde qui a essayé de m'entraîner là-dedans, puis ça a pas marché. Ça m'a réveillé. J'ai dit, OK, vous autres, je vais plus rien savoir. Écœurez-moi plus. J'ai plus rien savoir de vous autres. J'avais un de mes amis. En tout cas, j'ai pas envie de parler de ça, mais. Je me suis rendu compte de des affaires, puis j'ai plus jamais parlé. J'étais plus capable. Je sais pas parce que j'en voulais ou que je le laissais, j'étais plus capable. Il y a des affaires, soit tu es capable, soit tu n'es pas capable. Puis il y a des choses, je veux dire, tu peux pas prendre. Il y a des limites, là. Il y a des limites. C'est des affaires, ça. On dirait qu'on veut pas le voir. Ça fait partie des choses qu'on ne veut pas le voir. Il y a des choses qui ont été faites, là. Tu peux pas rationaliser ça. Tu peux pas l'expliquer. Parce qu'il n'y en a pas d'explication. C'est juste le mal. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est une abstraction, le mal. Faites bien attention. C'est une force. Ça peut être une force, ça peut être. Tu sais, puis c'est primaire, puis Ben c'est ça, ça peut être un égrégore d'énergie qui va envoûter, manipuler des gens.